Il paraît qu'il n'avait que 4 semaines pour l'écrire. Il fallait remplacer au pied levé les précédents compositeurs qui avaient abandonné l'ouvrage, car le producteur devait à tout prix ouvrir le show très rapidement. Il fut appelé par ses amis, Betty Comden et Adolf Green, qui sont les auteurs de Chantons sous la pluie. Wonderful Tone, c'est vraiment une comédie, mise en scène d'ailleurs par le roi de la farce à l'époque, George Abbott. Bernstein y compose moins de ballets que dans West Side Story, surtout des chansons de style varié. Mais ce sont, comme souvent, chez Bernstein, des odes, des odes à la ville de New York. Et puis, il écrit aussi un duo pour cette jeune fille blonde arrivée de sa campagne avec sa sœur Ruth. Alors, ce sont deux filles qui ont des profils complètement opposés. Autant Eileen, vous l'avez entendu, est légère, éthérée, libre de cœur, tête chercheuse d'homme, si on peut dire. Autant Ruth est sérieuse et cherche surtout à trouver un éditeur car elle est écrivain. Mais le soir venu, les deux éprouvent le mal du pays. Et cette fois, Bernstein compose une ode à l'Ohio. Christine Buffle, Lorraine Van Kempen, accompagnée au piano par Mathieu Serradel. Why did I ever leave Ohio? Why did I wander to find what lies yonder when life was so cozy at home? Wondering while I wander, why did I fly? Why did I roam? We just couldn't wait to get out of that place. With Mom saying, Ruth, what, no date for this evening? And Pop with Eileen, do be home, dear, by 10. Ugh! Those gossipy neighbors and everyone yapping who's going with whom. Now dating those drips that I've known since I'm 4. The Kiwanis Club dance. On the basketball floor. Cousin Maude with her lectures on sin. What a bore! Hazel Black. Hannah Minch. Ezra Nye. Hannah Minch. Just hopeless. Babbity. Stuffy. Provincial. Thank heaven we're free. Ohio, extrait de Wonderful Tone. Christine Buffle, Lorraine Van Kempen. Bonjour Lorraine Van Kempen. Bonjour. Bonjour Mathieu Serradel, le pianiste. Bonjour. Vous êtes tous les deux directeurs musicaux de cette série qui a été créée quand? Broadway Melody, chaque fois un focus sur un compositeur de Broadway, c'est né quand? C'était en 2015, février 2015 à l'Auguste Théâtre. Et on a commencé notre première saison avec Rodgers and Hammerstein, suivi par Gershwin, et après, enfin, on a fini avec Bernstein. Voilà. D'où vient l'idée de ce très beau projet auquel j'ai pu assister à chaque fois? Vraiment, ça m'a enchanté. C'est Lorraine qui a eu l'idée d'abord. Mathieu Serradel, oui. En fait, Mathieu et moi, ça fait depuis 2014 qu'on travaille ensemble. On a monté un cabaret ensemble. Et après, en 2015, 2014, on a fait une soirée autour de les chansons oubliées de Broadway, qui s'appelait Forgotten Broadway. Mm-hmm. Et on s'est dit, bah, tiens, ça peut être vraiment une bonne idée de raconter l'histoire d'un compositeur avec les faits historiques, mais aussi avec, via sa musique. Donc voilà, on a choisi de commencer à faire ça. Alors, Leonard Bernstein, pour vous, Lorraine, qui est américaine, qui est née à Seattle, et vous, Mathieu, qui est né où ? Pas Seattle, non. Oui, vous n'avez pas un accent. Hein. Non, je suis originaire de Toulouse. De Toulouse ? Ah, vous n'avez pas non plus l'accent Toulouse, hein, je te dis. Un petit peu. Leonard Bernstein, pourquoi ? C'est une évidence. Ça représente quoi pour vous ? Vas-y. Ah, pour moi, quand j'ai vécu en Angleterre, et la première comédie musicale que j'ai vraiment dirigée, c'était West Side Story. C'était mm-hmm. pour une compagnie amateur, donc pour moi, ça, c'est beaucoup, quoi. Enfin, très bon souvenir, et puis c'est une musique tellement riche, et puis le côté pédagogique est très, très intéressant pour moi. C'est-à-dire ? C'était un excellent pédagogue, et je pense que Broadway Melody aussi est une chose qui est tournée vers la pédagogie aussi, et pour présenter les compositeurs. Lorraine, Leonard Bernstein aux États-Unis, c'est... Mais il est très très important. Moi, la première fois que... Enfin, j'ai toujours vécu avec sa musique, mais j'ai commencé à chanter Glitter and Be Gay il y a 11 ans. Chanson de Candide. Voilà, et en fait, j'ai toujours adoré parce que c'est très simple. Sa musique, c'est très simple, mais en même temps, c'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement compliqué à exécuter, à chanter, à jouer et à monter. Et son histoire musicale, c'est fascinant. Comment vous avez composé le programme de ce spectacle ? C'est Laurel, la spécialiste du répertoire, je dirais. Elle met les partitions sur le piano et puis je m'exécute. Et il arrange aussi. Attention, on va entendre un de ses arrangements à la fin du programme. En fait, j'ai choisi les œuvres, les chansons, pour mieux représenter les compositeurs. Donc, Bernstein, il y a tellement de styles différents. On vient d'entendre Why Oh Why Oh Why Ohio, qui est c'est très drôle, mais après, on va aussi entendre les ballades sublimissimes. C'est une musique très complexe et super. Sublimissime ballade. Eh bien, je vous laisse aller au piano, Mathieu Serradel. En voici une, cet extrait de On the Town. Sa toute première comédie musicale à Broadway, rappelez-vous, ses marins en permission à New York. Et puis parmi eux, le plus mélancolique s'appelle Gabi, très romantique aussi. À peine débarqué, il tombe amoureux d'une jeune fille sur une affiche et se met à la rechercher partout en ville. Et puis voilà, il se balade, il se retrouve seul sur Battery Park, en face de la Statue de la Liberté. Et il entonne cette chanson qu'on pourrait traduire par « ville solitaire ». En anglais, Lonely Town. C'est Emerson Scott qui interprète Lonely Town, accompagné au piano par Mathieu Serradel en direct sur France Musique. Gabby's coming, Gabby's coming to town. So what? Who cares? Back on the ship, it seems such a snap. You tap a girl on the shoulder. She'd turn around and she'd say, I love you. But once on shore, it's not such a snap. You get the cold shoulder, the old run around. You're left with no one but you. Gabby's coming, Gabby's coming to town. A town's a lonely town when you pass through, and there is no one waiting there for you. Then it's a lonely town. You wander up and down. The crowds rush by, a million faces pass before your eye. Still it's a lonely town, unless there's love, a love that's shining like a harbor light. You're lost in the night. Unless there's love, the world's an empty place, and every unless there's love, a love that's shining like a harbor light. You're lost in the night, unless there's love. Scott Emerson, Lonely Town, extrait de On the Town de Leonard Bernstein. Scott Emerson qui se produira le 18 décembre au Petit Journal Montparnasse avec le Spirit of Chicago Orchestra, puisqu'ils viennent de sortir, ou ils vont sortir un nouvel album intitulé Singing in the Rain, The Origins. Et puis vous serez aussi le 16 janvier à l'Opéra de Bordeaux dans la reprise, si je me trompe pas, non peut-être que je me suis trompé. En tout cas vous ferez partie de la reprise du Songe d'une nuit d'été de Benjamin Britten, ça c'est à l'Opéra de Metz, c'est ça? Oui. Et voilà, ok. On change de registre, on parlait de la variété des chansons de Leonard Bernstein. Alors voici à nouveau une chanson de Wonderful Town, cette comédie musicale de 1953 qu'on n'a jamais vue en France. On parlait de ballades. Et bien voici le Happy End. Alors le spectacle se déroule dans les années 30 et le Happy End se déroule dans un club de jazz qui ressemble un peu au club de jazz de Greenwich Village à cette époque. Et tout ce joyeux monde se met à chanter, et parfois faux. Mais on peut faire confiance à Leonard Bernstein. Le morceau s'intitule Wrong Rag Nut. Ils sont tous au complet. Christine Buffle, Lauren Van Kempen, Emerson Scott, rejoint par Maxime de Toledo avec toujours au piano Mathieu Serradel. They call it the wrong note rag. It's got a little twist that really drives you insane, drives you insane, drives you insane, drives you insane. Because you can't never get it out of your brain, out of your brain, out of your brain. They call it the wrong note rag. Bunny hug, turkey hug, doing the wrong note rag. Please play that lovely wrong note, because that wrong note just makes me do do do do do do do wah wah. That note is such a strong note, it makes me whip whip whip whip whip whip tacky, whip whip whip whip whip whip whip wacky. Don't play that right polite note, because that right note just makes me blah blah blah blah blah blah blah, blah. No no. Cabaret, Leonard Bernstein, ce matin en direct sur France Musique, sur la 42e rue. Et on va rejoindre tout de suite Christine Buffle. Christine Buffle, vous ne connaissez peut-être pas son nom. Et pourtant, voilà. Dans deux mois, tout Paris ne parlera que de vous. Ben, on peut dire pas. Ça, non? Je sais pas, ça dépend pas de moi. Enfin si, ça dépend un petit peu de moi. Mais... Qu'est-ce que vous allez faire dans deux mois? Je vais faire Kiss Me Kate et je vais chanter Kate. Vous allez être l'actrice principale au Théâtre du Châtelet, et oui, de la reprise ou même peut-être de la première création en anglais de Kiss Me Kate de Cole Porter. C'est pas la première création. C'est pas la première. Il y a eu en français. Enfin oui, non, il y a eu en français, mais c'est la première de cette mise en scène et de cette production, voilà. Alors ça fait quoi? C'est une. Alors, on vous avait déjà vu au Châtelet, hein, parce que vous étiez déjà la boulangère, oui, dans Into the Woods de Stephen Sondheim, et puis vous étiez surtout Anna, oui, dans Le Roi et moi, aux côtés de Lambert Wilson. Mon rôle rêvé, c'était vraiment, c'était magique pour moi. J'ai eu beaucoup beaucoup de chance le Châtelet m'a donné beaucoup, beaucoup de ces deux magnifiques, magnifiques rôles mis en scène par Lee Blakely. Et voilà, je me réjouis énormément de faire ce Kiss Me Kate, c'est la suite. Voilà. Jean-Luc Choplin, le directeur du Châtelet, dit qu'il met en scène, qu'il monte des opéras, des comédies musicales comme des opéras. Oui, vous c'est vrai. Qui avez ce double registre, hein, oui. Parce que vous avez joué Violetta dans La Traviata, enfin, mm-hmm. vous avez ce double parcours comédie musicale et opéra. Vous le sentez quand vous travaillez au Châtelet, que ah, c'est oui. comme les moyens d'un opéra? Ah, tout à fait, absolument. Il y a vraiment la grande scène, vraiment tous les moyens sont mis à disposition pour faire un spectacle extraordinaire, pour faire quelque chose à voir, à entendre, à sentir, à ressentir. C'est vraiment une grande joie. C'est une grande joie d'être là. Vous avez déjà commencé à prendre votre texte de Kiss Me Kate? Ah oui. Ah oui, oui, c'est oui, nécessaire. Oui. Vous arrivez sur le plateau, vous devez tout savoir. Ah oui, oui, oui. C'est d'ailleurs dans le contrat. Ah oui, oui, oui, bien sûr. On doit arriver par cœur. Tout par cœur, tout bien. Parce que quand on fait une répétition, quand on est en répétition, on n'a pas vraiment le temps d'être attaché au texte. C'est un travail, en tout cas l'opéra, c'est un travail qui est un peu différent des comédiens. Je sais que certains comédiens travaillent à partir du texte. Et il y a même certains comédiens qui n'apprennent rien avant parce qu'ils construisent tout, ils construisent le personnage en répétition. Or nous, quand on doit apprendre la musique... à l'opéra surtout, on ne peut pas être attaché aux partitions qui sont déjà trop grandes pour traîner en répétition. Et voilà, on passe beaucoup de temps à apprendre avant, mais pendant aussi quand même. Alors, j'ai dit votre répertoire, Bizet, Britten, Debussy, Gounod, Hammerstein, Sondheim. Bernstein, ouais. Vous l'aviez déjà chanté, Léonard Bernstein, sur scène, dans un spectacle? Est-ce que j'ai déjà... Oui, j'ai fait des extraits, mais je n'ai jamais fait un spectacle complet. C'est vrai que ça me manque. Ça va peut-être venir, on ne sait jamais. Appel aux producteurs, vous aimeriez interpréter qui dans quoi? Qu'est-ce que j'aimerais interpréter? Ouais, quel personnage, dans quelle comédie musicale? Oh, ben, de par exemple, celle-là, celle de... Eileen, la blonde. Oui, ça j'aimerais bien. Vous êtes brune comme pas possible. Oui, ça va pas. Non, mais récemment, je viens de faire deux spectacles où j'étais blonde. Je confirme, ça peut aller. Si on fait les racines foncées, ça va. Eh ben, on viendra vous voir. Avec plaisir. Et j'espère même que vous viendrez nous voir sur la 42e rue avec la troupe de Kiss Me Kate pour un cabaret en direct, en public, avec les auditeurs. Vous nous proposez alors un nouvel extrait d'une comédie musicale de Léonard Bernstein maintenant. Ah oui, ben voilà, ça c'est la comédie musicale de Bernstein, Candide, qui est à cheval, je dirais même à cheval sur l'opéra, puisque c'est quand même, ça demande une technique, vous allez le voir. Ça demande une technique quand même très, très aboutie d'opéra, particulièrement pour Cunégonde, que Lorraine va nous interpréter tout à l'heure. Mais voilà. Mais pour tous les rôles, d'ailleurs Candide aussi. Hein, Candide, le ténor, c'est techniquement très, très... Ça demande d'être bien, fit. Voilà. En forme. En forme, voilà. Allez, comme c'est le matin, c'est ça que je veux dire. Je vous laisse aller alors vers le micro, puisque vous allez nous interpréter un extrait donc de Candide. Ouais. Allez-y. J'y vais. Christine, l'air s'intitule « I'm easily assimilated ». Là quoi, c'est une vieille dame qui chante, hein, c'est ça? Ouais. Vous faites tous les rôles. Hein. Actrice, je fais ce que je peux. Chanteuse. Christine Buffle en direct sur France Musique. I was not born in sunny Hispania. My mother came from Rovno Gubernia. But now I'm here and dancing a tango. I am easily assimilated. I am so easily assimilated. I never learned a human language. My mother spoke a high middle Polish. In 1/2 hour I'm talking Spanish. Por favor, Toreador! I am easily assimilated. I am so easily assimilated. It's easy, it's ever so easy. I'm a Spanish, I'm a suddenly Spanish. J'allais dire Candide. Christine Buff nous l'a présenté, cette comédie musicale, mis un petit peu opérette, comique, de 1956, signée Leonard Bernstein. Et il y a des bijoux dans cette comédie musicale, comme cet air qui est devenu, je crois, l'air des sopranos coloratours. Ça s'intitule Glitter and Be Gay. Il paraît que Barbara Cook a créé le personnage quand elle le jouait sur scène. Pendant la journée, elle se mettait un scotch sur la bouche pour s'économiser la voix, pour ne pas parler. On va comprendre pourquoi très bien tout de suite avec Lauren Van Kampen qui interprète ce morceau de bravoure. En gros, vous l'imaginez, elle est en train de regarder tous ses colliers, tous ses bijoux et elle s'émerveille. Glitter and be gay, that's the part I play. Here I am in a pain. France, forced to abandon my soul to a sordid role, victimized by bitter circumstance. Alas for me, had I remained beside my lady mother, my virtue had remained unstained until my maiden hand was gained by some grand duke or other. Oh, 'twas not to be. Harshness says it brought me to this gilded cage, born to higher things. Here I draw my wings, singing of a sorrow nothing can assuage. Pearls and ruby rings. Oh, how can worldly things take the place of honor lost? Can they compensate for my fallen state, purchased as they were at such an awful cost? Bracelets, lavaliers, can they dry my tears? Can they blind my eyes to shame? Can the brightest brooch shield me from reproach? Can the purest diamond purify my name? And yet, of course, these trinkets are endearing. I'm oh so glad my sapphire is a star. I rather like a 20-carat earring. If I'm not pure, at least my jewels are. Enough, enough. I'll take their diamond necklace and show my noble star by being gay and reckless. Lorraine Van Kempen, elle a été accompagnée au piano par Mathieu Serradel. Elle interprétait Glitter and Be Gay en direct dans ce cabaret Léonard Bernstein ce matin sur la 42e rue de France Musique. Maintenant, place au quatrième personnage de ce concert. Il est grand, il est français, il est américain. Il a interprété le juge Turpin dans Sweeney Todd de Stephen Sondheim, la production mise en scène par Olivier Benazech à l'Opéra de Reims. Il est actuellement à l'affiche à Bobino dans un spectacle dérangeant et comique qui se déroule dans un asile de vieux, Forever Young. Et puis, vous l'avez vu peut-être aussi à la télévision, dans une série qui s'intitule Un village français. Lui aussi mélange les genres, l'opéra, la comédie musicale. Ce matin, il a enlevé son masque de vieil homme de l'asile de vieux, de Forever Young. Et il interprète pour nous une de ses formidables ballades signée Leonard Bernstein. Ça s'intitule A Quiet Girl. All right, goodbye, you've taught me my lesson. Get mixed up with a genius from Ohio. It happens over and over. I pick the sharp intellectual kind. Why couldn't this time be different? Why couldn't she only be another kind? A different kind of girl. I love a quiet girl. I love a gentle girl, warm as a sunlight, soft, soft as snow. Her smile, a tender smile. Her voice, a velvet voice. Warm as a sunlight, soft, soft as snow. When she is near me, the world's in repose. We need no words. She sees, she But where is my quiet girl? Where is my gentle girl? Where is that special girl who is soft, soft as snow? Somewhere, somewhere, my quiet girl. When she is near me, the world's in repose. We need no words. She sees, she knows. But where is my quiet girl? Where is my gentle girl? Where is that special girl who is soft, soft as snow? Somewhere, somewhere, my quiet girl. Maxime de Toledo, A Quiet Girl, extrait de la comédie musicale Wonderful Tone. Je crois qu'on a la preuve, grâce à vous, Lorraine Van Kempen, que cette comédie musicale Wonderful Tone qu'on n'a jamais vue en France, eh bien, mériterait d'être montée. Alors, on a eu une ballade, en voici une autre mélodie sublime à quatre voix. Vous savez, ça arrive à la fin de On the Tone. Les marins arrivent au bout de leur permission de 24 heures. Ils se sont bien amusés avec les fils qu'ils ont rencontrés. Ils s'apprêtent à repartir à la guerre. C'est une comédie musicale qui date de 1944. On refera cela un autre jour, chantent-ils tous ensemble, Some Other Time. Lorraine Van Kempen, Christine Buffle, Emerson Scott, Maxime de Toledo, accompagnés au piano par Mathieu Serradel, en direct sur la 42e rue de France Musique. Hours can go so fast. You look around, the day has passed. When you're in love, time is precious stuff. Even a lifetime isn't enough. Where has the time gone to? Haven't done half the things we want to. Oh well, we'll catch up some other time. This day was just a token. Too many words are still unspoken. Oh well, we'll catch up some other time. Just when the fun is starting, comes the time for parting. But let's be glad for what we've had and much more embracing still to be done, but time is racing. Oh well, another time. Didn't get half my wishes, never have seen you dry the dishes. Oh well, we'll catch up some other time. Can't satisfy my craving, never have seen you while you're shaving. Oh well, we'll catch up some other time. Just when the fun's beginning, comes the final had time to wake up, seeing you there without your makeup. Oh well, we'll catch up some just when time. The fun is starting, comes the time for party. Lauren Van Kempen, Christine Buff, Emerson Scott, Maxime de Toledo, accompagné au piano par Mathieu Serradel. C'est Cabaret, Léonard Bernstein, en direct ce matin sur France Musique. On découvre les comédies musicales de Léonard Bernstein. Ça, c'était extrait de On the Tone. On se dirige évidemment lentement vers West Side Story en 1957, mais Lauren Van Kempen a souhaité inclure un air que vous ne connaissez peut-être pas, d'un opéra en un acte sublime que Bernstein compose en 1951, exactement entre On the Town et Waterful Town. Ça s'intitule Trouble in Tahiti. En fait, un récit très moderne d'un couple américain moyen qui se délite, qui habite dans une proprette banlieue américaine dénommée Suburbia. En gros, Sam, qui vient de se marier, doit tromper sa femme avec sa secrétaire. Dina doit suivre, donc sa femme doit suivre certainement une psychothérapie. Ils ont un enfant prénommé Junior. Et le moment qui nous intéresse maintenant, c'est lorsque Dina entre dans un magasin de chapeaux. Elle, en fait, a été au cinéma. Elle a été voir un film qui s'appelle Trouble in Tahiti. Elle a trouvé ce film terrible. Et elles se mettent à le chanter sur scène. Simplement, au bout d'un moment, vous allez l'entendre. Alors, on va pas comprendre, mais on va l'entendre certainement dans la voix de Lorraine. Au fur et à mesure qu'elle dit que ce film était super nul, elle va commencer à le revivre, s'en moquer, et ensuite se laisser entraîner par le scénario romantique. Lorraine Van Kempen, Trouble in Tahiti, en direct sur France Musique. What a movie! What a terrible, awful movie! Give dime what they put on the screen. I can hardly believe what I've seen. Do they think we're a lot of children? It would bore any four-year-old. What? Drivel? What nonsense? What escapist technicolor twaddle? Trouble in Tahiti angry white man and rainbow that day, then the white man shall be sacrificed without delay. Sure enough, on the night of their wedding day, there's a storm like nothing on earth, tidal waves and sirocos and hurricanes, and a tumble of the volcano. With their drumming and their chanting and ritual dance, while the lovers sing a ballad of filthy romance. It's so lovely, I wish I could think of it. La-da-dee-da, ya-da-dee-da. It was called Island Magic, I think it was. Oh, a beautiful song, I remember it now. Island Magic, where the midnight breezes caress us and the stars above seem to bless us. That's Island Magic. Island Magic. Well, in any case, the hero is tied to a tree. Did I tell you he's a flyer who got lost at sea? Anyway, now the natives go crazy now, running wild with lances and knives. Then they pile up the wood for the sacrifice, and the witch doctor comes and he's opéra en un acte de Leonard Bernstein. Trouble in Tahiti, c'était What a Movie. Bravo, Lorraine von Kempen. Et voilà, on y est, 1957. La dernière, presque la dernière, l'avant-dernière comédie musicale de Leonard Bernstein. Il avait conscience de ce mélange des genres opéra, comédie musicale. Il écrit « Le problème principal de West Side Story sera la fine démarcation entre l'opéra et Broadway, entre réalisme et poésie, entre abstrait et représentatif. Il faut éviter le spectacle, le côté spectacle à thèse. » Voici un moment merveilleux. Je me demande comment Mathieu Serradel l'a réarrangé. Ça s'appelle « Quintette », mais c'est chanté à quatre voix. « Quintette », je vous laisse reconnaître cet air en direct sur France Musique. The Jets are gonna have the day tonight. Sharks are gonna have their way tonight. The Puerto Ricans crumble, fair fight. But if they start a rumble, we'll rumble them right. We're gonna hand them a surprise tonight. We're gonna cut them down to size tonight. We said okay, no rumpus, no tricks, but just in case they jump us, we're ready to mix. Tonight, we're gonna rock it tonight. We're gonna jazz it up and have us a ball. They're gonna get it tonight. The more they turn it on, the harder they fall. Well, they began it. Well, they began it. And we're the ones to stop it once and for all. Tonight. Anita's going to get her kicks tonight. We'll have a private little mix tonight. He'll walk in hot and tired. So what? Don't matter if he's tired, so long as he's hot. Tonight. Tonight won't be just any night. Tonight there will be no morning star. Tonight, tonight, I'll see my love tonight. And for us, stars will stop where they are. Slowly, and still the sky is light. Oh, moon, grow bright and make this endless day, endless night. I'm counting on you to be there tonight. When Diesel wins it fair and square tonight, that Puerto Rican punk'll go down, and when he's hollered uncle, we'll tear up the town. Tonight, so I can count on you, boy. All right, won't be we're gonna have us a ball. All right, one, two, two, sperm, the word. I'll see you there about eight tonight. We're gonna rock it tonight. We're gonna jam it tonight. Ils sont en direct, ils sont en live au Studio 105 de France Musique. Lauren Van Kempen, Christine Buff, Emerson Scott, Maxime de Toledo accompagnés au piano par Mathieu Serradel pour ce cabaret Léonard Bernstein qui se termine par une chanson qui fait du bien en ces jours un peu sombres en France, pas un peu, en ces jours sombres en France. Somewhere, there's a place for us. Il existe quelque part une place pour nous. There's a place for us somewhere, a place for us, peace and quiet and open air wait for us somewhere. There's a time for us, time together with time to spare, time to learn. We'll find a way. is a place for us, a time and place for us. Hold my hand and we're halfway there. Hold my hand and I'll take. Un énorme merci, on peut les applaudir bien fort. À Lauren Van Kampen, Christine Buffel, Emerson Scott, Maxime de Toledo, accompagné au piano par Mathieu Serradel. Merci pour ce merveilleux concert en ce dimanche matin en direct sur France Musique. Un clin d'œil aussi à Rémi Carémel qui a eu l'audace de vous programmer à son Auguste Théâtre et qui vous accueillera encore puisque votre prochain cabaret Broadway Mélodie, on peut l'annoncer, aura lieu le 22 février à l'Auguste Théâtre autour de Lerner, autour de Cole Porter. Christine Buffel, vous êtes dans Kiss Me Cake à partir du 3 février au Châtelet. Lauren Van Kampen dès cet après-midi à l'Auguste Théâtre dans un concert à la Andrew Sisters à 16h30. Et puis vous serez aussi dans l'ensemble de Kiss Me Cake au Châtelet. Maxime de Toledo chaque soir, Forever Young à Bobino, Emerson Scott. Vendredi au Spirit of, au Petit Journal Montparnasse et Mathieu Serradel à Katz, dans la fosse, et au clavier, assistant directeur musical. La 42e rue, Jean-Michel Bernot, Nadège Antonini, Guillaume Ledu, Xavier Lévesque, Lucas Vaillant, Martine Moni, Perrine Mingui, Laurent Vallière. Passez une très bonne journée.